En Corée, la maison d'édition de la littérature et des arts a vu le jour le 25 juillet de l'an 35 du Juche 1946, en même temps que la parution du premier numéro du magazine littéraire Front de la Culture, où l'on voit le portrait du président Kim Il-sung, patriote sans égal et libérateur de la Corée, et le chant du général Kim Il-sung, hymne révolutionnaire immortel. Sous la direction éminente du Parti du Travail de Corée et du leader, elle s'est développée en une puissante base de propagande du parti. Elle a édité les livres littéraires, journaux et revues de plus de 4500 espèces, y compris les séries d'œuvres littéraires, contribuant ainsi à défendre et à expliquer la politique et la ligne du parti en matière de littérature et d'art, et à éduquer le peuple de façon idéologique et culturelle.